es mon côté tendresse, tu es mon côté bonheur. Dis-moi pas quelle sera ta gemme, ma vie rencontra ta vie. Et comment j'ai dit je t'aime, dis comment tu m'as conquis. Tu es mon côté détresse, tu es mon côté douleur, tu es mon côté ivresse, mon côté rêve en couleur. Dis-moi par quel sortilège tu m'as fait parler d'amour. Et comment je suis prise au piège de tes beaux yeux de velours. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ces beaux yeux de velours. Je ne sais plus ce que je pourrais faire. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est bon. tristesse. Mon côté à cœur ouvert, j'aime beaucoup ton sourire et ton âme troubadour qui m'enchaîne et qui m'inspire comme tes yeux de velours. Tu es mon côté caresse, tu es mon côté douceur, tu es mon côté noblesse, mon côté à la hauteur. Il ne faut pas que je chante le charme de tes contours qui m'obsède et qui comme tes yeux de velours.